Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hola Amigo pour apprendre l'espagnol et découvrir la culture latine. Aujourd'hui, je vais aborder le thème de tous ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas apprendre l'espagnol, qui n'ont pas le temps d'apprendre une langue parce qu'ils sont trop chargés, ils ont trop de travail, ils étudient, ils ont des journées vraiment complètes et ils ne trouvent aucun temps mort pour apprendre. Alors je vais trouver j'ai une solution très simple pour vous, c'est ce qu'on appelle les podcasts. Alors, un peu de soleil. Les podcasts, c'est quoi ? Eh bien, tout simplement, c'est des petits contenus audio par épisode auxquels on va s'abonner via son smartphone et qu'on va écouter, bien sûr, grâce à des écouteurs. Alors, les podcasts, c'est très pratique. C'est donc quelque chose qu'on télécharge sur son smartphone et qu'on peut écouter quotidiennement. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'écouter en marchant, en faisant du sport, en allant au travail, en allant étudier. Dans les transports en commun, on peut l'écouter absolument partout. Donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas apprendre l'espagnol grâce au podcast. Alors c'est très simple, pour les utiliser, il suffit d'aller sur Android, sur l'Apple Store ou sur le Google, les applications Google, de télécharger la petite application podcast si vous ne l'avez pas déjà. Et ensuite vous recherchez, vous tapez par mots-clés. Donc là vous pourrez taper par exemple apprendre l'espagnol ou l'espagnol. Ou taper alors en anglais pour avoir des podcasts. Il y a pas mal de podcasts en anglais. Moi, personnellement, je vous en recommande deux. C'est News in Slow Spanish. News in Slow Spanish, en fait, c'est un podcast anglais à la base. Mais bon, vu qu'il parle espagnol, c'est pas très grave qu'il soit d'origine anglaise. Et en fait, c'est tout simplement des actualités internationales. Et parler, expliquer plus lentement que le débit moyen. Donc c'est hyper intéressant pour les débutants parce que en fait la personne qui va parler et donner les actualités internationales en espagnol va parler plus doucement et donc vous pourrez mieux comprendre. Le deuxième c'est Espagnol Pod, c'est un français qui le fait, super intéressant aussi et il fait plein de petits exercices, plein de petits épisodes au quotidien sur par exemple les erreurs communes, les faux amis. Il va sortir aussi une phrase de l'actualité pour la décortiquer et donner des expressions idiomatiques. Voilà, c'est super intéressant. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur le blog, sur l'article fait sur les podcasts que j'ai fait pour aller plus en profondeur et pour voir vraiment comment ça marche. Donc voilà, maintenant vous n'avez plus d'excuses pour travailler votre espagnol dans le bus, dans le métro, en marchant ou en faisant du sport. Je vous souhaite une pura vida à tous et on se voit pour la prochaine vidéo. Allez, salut !